Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 29. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان ليوم الدين. طيب نسوي بالأجل أسئلة من الدرس 28. وقد يجيب أنا أسئلة الآتية: ماذا تفعل سعاد؟ كيسك سعاد ف؟ هي تكوي ثيابة. فقط التي رسمناها امس. Attends, je suis perdu là. Je suis dans l'autre exercice moi. Je m'y retrouve. Quand même. Non, voilà, voilà. Man kawa el manadil, qui a repassé les serviettes ou les mouchoirs? Tani Oumou Saad kawa el manadil. Tayeb. Thalisan, mas moul zamila tilati da'at Saad ya baytiha. Comment s'appelle la camarade qui a invité Saad à sa maison? À sa maison. اسم زميلتي التي دعت سعاد إلى بيتها وهي سلوى. سلوى نعم. أسمح لها أبوها بالذهاب إلى بيتها. Est-ce que son père lui autorisait d'aller à sa maison؟ نعم. نعم. خامسا إلى من شكى محمود زميله؟ Auprès de qui محمود s'est-il plaint de son camarade؟ محمود شكى. يعني شكى محمود زميله إلى المدير. نعم. سادسا لما اشترى محمود الحلوى؟ Pourquoi est-ce que محمود a acheté les sucreries, les bonbons؟ يعني اشترى محمود الحلوى لأنه يريد أن يدعو ثلاثة من زملائه. طيب. أحسنت. Après qu'on ait complété le fi'l al-muhtal al-akhir, celui dont le lam sahha fi'la, aujourd'hui on va prendre encore une catégorie de verbes nouvelles qui sont le verbe, enfin qui s'appelle al-muda'af. Al-muda'af, al-muda'af, c'est un verbe dont le fa et le lam sont une même lettre insérées l'une dans l'autre. Voyez, dans le ayn afan et le lam, les salfa. Par exemple, hajja. Hajja, qui veut dire faire accomplir le pèlerinage. L'origine, c'est Hajaja. On a entré le premier djim, qui est le Ayn du verbe, dans le deuxième djim, qui est le Lem du verbe. Donc on dit Hajja. T'as un hydrome entre les deux dernières lettres, avec une Shadda. Donc là, on va apprendre comment il se conjugue. Et il est, alhamdoulilah, facile. Hada wa ad-dars al-tasi' wa 20. Tayyib. Tolin takraman. تكون مدرس كما تحب تفضل. حججت يا مسعود. أتي أكمل الحج أم مسعود. مسعود يقول: لا يا أستاذ، حج زملائي كلهم ولكنني ما حججت، مرضت أيام الحج فبقيت هنا بالمدينة المنورة والنبوية. Donc il dit: non professeur, mes camarades ont tous fait le hajj, cependant moi je ne l'ai pas fait. J'ai été malade les jours du Hajj, alors je suis resté ici à Al-Medina. La tahzan, satahujj fi al-aam al-muqbil insha Allah. Tamurru as-sanatu bisur'a. Et dis, ne sois pas triste, tu accompliras le Hajj l'année prochaine insha Allah. L'année passe très vite. Mas'oud yaqul: eh hajjajta anta ya ustaz? As-tu accompli le Hajj ô ustaz? La لم أحج هذا العام لكنني حججت قبل هذا خمس مرات انا اشم يعني انا اشم رائحة كريهة اما تشمون رائحة يا اخوان. Donc il dit, mon adresse, il dit non, je n'ai pas fait le Hajj cette année, cependant, j'ai déjà accompli avant cela 5 fois. Après, il dit, Ana Ashum Murayahata Kariha. Ashum. On peut dire aussi Ashum. Tu peux dire aussi que la Dhamma. Bien joué. Il dit, je sens une mauvaise odeur. Et puis, Shama Ashumu sentir. Raiha, c'est odeur, Kariha, détestable, mauvaise. Amat Ashum Muna Raihata Nihuan, ne sentirez-vous pas une odeur, oh les frères? Ils disent si, nous la sentons. D'où est-elle? Amr Yakul, Azunnuha min al-hammam. Il dit je pense qu'elle est des toilettes, qu'elle provient des toilettes. Abdullah Yakul, Naam, Yamin al-hammami. Inna al-kumamat allati ramaha ahadun nas saddat al-balu'a. Donc il dit oui, elle vient du hammam, des toilettes. La poubelle que l'une des personnes a jetée à boucher la, on va dire les évacuations. Les égouts. Sadda s'est bouché. Doris. Man alladhi dafa'a as-sabbura ila al-khalf. Ta'ala ya Sa'id wa jurraha ila al-amam. Donc il dit qui est celui qui a poussé le tableau derrière. Viens au Sa'id, tire-la vers l'avant. Ou tire-le plutôt vers l'avant. Tableau. Français masculin. Saïdoun yajurru saboura. Donc ça étire le tableau. Donc il dit tu l'as beaucoup tiré. Repousse-la derrière un petit peu. Cela suffit. Laisse-la maintenant. Ou laisse-le maintenant. Mas'oud yakoul. هذا والجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ. Est-ce là la deuxième partie du livre ou deuxième volume du livre, au professeur? نعم خذ هذه النسخة وعدها عددتها كم هي. Il dit oui, prends ces exemplaires et compte-les. Les as-tu comptés? Combien sont-ils? Masoud dit نعم عددتها هي 25 نسخة. Il dit oui, je les ai comptés, et elles sont 25 exemplaires. درس يقول ندرس الآن حديثا أكتبه على السبورة فاكتبوه في دفاتركم يعني يكتبوا عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هنيها أكتبت يا أبنائي. Donc le Dalis dit, nous allons maintenant étudier un hadith. Je l'écris sur le tableau. Alors vous écrivez-le dans vos cahiers. Il écrit, selon Anas, Kalalagré, qu'il est dit, je n'ai pas touché d'étoffe. D'Abiyijan, c'est une étoffe, un tissu. Voilà Haliran, c'est la soie, et pas de soie, plus douce que la main du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Kef, c'est la main. Voilà Shamimtu, Raihatan, Kot, Atiyabam, Raihati Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, je n'ai pas senti de meilleure odeur, je n'ai jamais senti de meilleure odeur que celle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Après un petit instant, vous voyez, Hunayha, c'est un petit instant, un petit moment, avez-vous écrit, ô mes fils, Tulab Yakulun, Lamma. Pas encore. Donc on m'a dit la main, tu peux enlever la phrase derrière. Mudarris yaqul Ya Ali, la tadunna annani ghafilun amma taf'al. Ta'amel. Ta'amel, na'am, amma ta'amel, afwan. Innaka la taktubu ad-dars. Innama taktubu risalatan. Alaysa kadhalik? Ruddaha fil haqiba. Donc il dit oh Ali, ne pense pas que je suis inattentif à ce que tu fais. Tu n'es pas en train d'écrire le cours, mais plutôt tu es en train d'écrire une lettre. N'est-ce pas? Range-la dans le sac, dans ton sac, dans le sac. Ali Yakoul. En effet, il en est ainsi. Je suis désolé au professeur. Afwan Bale wa kadhalik. انا اسف يا استاذ لن ادعو لن اعود لمثله ابدا ان شاء الله. Donc il dit oui, il en est ainsi. Je suis désolé au professeur, je ne recommencerai pas une telle chose jamais. Inch'Allah, si Allah veut. Voyez. Donc les as-ilah, on les garde pour le dars suivant. Donc maintenant, il te dit, il va te montrer des exemples du fi'l mudda'af. Il dit, ثانيًا, هذه أمثلة للفعل المضاعف. Donc comme on l'a dit, المضاعف, c'est le verbe ou le fi'l الذي عينه ولامه حرف من جنس واحد أدعيما أحدهما في الثاني. C'est celui dont le عين et le lam sont d'une même lettre et l'une de elles ont été insérées l'une dans l'autre. Ce qui fait qu'à la fin, tu as une lettre avec une shadda. مثلا حجة. أصله, son origine c'est حججة. Et le mot doit lire يحجج. Son origine c'est يحجج. Et comme ça ne se dit pas, on a rentré les deux jim l'un dans l'autre. Après, des exemples de ce verbe-là. Vanna, yavonno, penser. Jarra, yajurro, tirer ou traîner. Marra, yamurro, passer. Adda, yaoddo, compter. Sabba, yasubbo, insulter. Radda, yaroddo, répondre ou répliquer ou renvoyer ou ainsi de suite. Sobba, yasubbo, ça c'est versé. Sadda, yasuddo, boucher ou obstruer. Donc ça c'est celui qui a au mot d'aller, qui prend une Dhamma. Maintenant, on va prendre celui qui prend une Fatha au mot d'aller. Shamma, yashammu, qui veut dire sentir. Et comme on l'a dit, on peut dire aussi yashummu, yajouz. Il file l'aura, tu peux dire yashummu. Massa, yamassu, qui veut dire toucher. Shamma, aslu, son origine, c'est shamima, à la wasfarila. Vous voyez, à la base, shamma, son origine, c'est shamima. C'est-à-dire le premier mime, il est une kasra. Yashammu, asluhu, yashmamu. Ala waz yaf'alu. Son origine c'est yashmamu. Wakadhalika massa. Massa c'est la même chose. A la base c'est massisa. Tayyib. Et l'origine c'est yamsasu. Tayyib. Thalithan yakul ikra mayali. Donc lis les exemples. Et essaie de les traduire, inshallah. Hajj akhi qabla thalathati a'wan. وأنا حججت هذا العام يعني mon frère a effectué le pèlerinage il y a 3 ans avant cela et moi j'ai effectué le pèlerinage il y a cette année là je l'ai effectué cette année là نعم avant de nous quitter à l'Iban يعني je crois que tu es un étudiant نعم أصب لك مزيدا من الشاي يا أخي لا ولا شكرا يعني veux-tu que je te verse يعني veux-tu que je te verse encore du thé ah mon frère non merci. رابعا نعم لن تجرين الحقيبة في التراب يا فاطمة لما لما نعم عفوا لما تجورينا وي سنو نسخة محذوف سنو نسخة محذوف نعم فقسمو صوت لم لما تجورينا الحقيبة في التراب يا فاطمة يعني pourquoi ne tire pas le tu ne pourquoi tires-tu pourquoi traînes-tu traînes-tu on va dire pourquoi traînes-tu là يعني le sac sur le sable au Fatima sur la terre non. خامساً عددت هذه ريالات يا سعاد نعم عددتها هي 100 ريال هي 100 100 نعم نعم يعني tu comptes ces ريال au سعاد نعم je les ai comptés il y en a pour 100 ريال نعم سادساً لا لا نعم واصل لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة يعني lorsque je suis rentré à la maison j'ai senti une bonne odeur نعم يمر المدير على الفصول كل صباح يعني le directeur passe dans toutes les classes tous les matins passe dans les classes tous les matins. Comment je dis quoi? Dans toutes les classes. Il n'y a pas de cool. Il n'y a pas de cool là-dedans. Taïeb. رابعا اسند الافعال الاتيه الى المتكلم كما هو موضح في المثال دونك يدي تو لي لي فيرب سويفون او متكلم لوراتور كما سولا ايكلارسي دون لي زيكزامبل سويفون دونك لا متكون كما اون اتاش ان ضمير avec ce verbe là c'est à dire مضاعف او ماضي يدي حامد ظن اي هو دونك تو دي كوا انا ظننت دونك سي باسي كوا. On a défait l'idrom. On a séparé les deux nouns. Et il est revenu à son origine. Ana zanantu ala waz ana fa'altu. Et tu fais pareil avec tous les sous qui ont un ta. Fa'altum, fa'alti, fa'alta. Zanantu, zananti, zananta, ainsi de suite. Hamidun adda. Hamid a compté. Ana adattu. Donc pareil, on a séparé les deux d'elle. Hamidun marra. Ana marartu. Vous voyez, Hamid est passé, je suis passé. Hamidun jarra. Hamid a traîné ou a tiré. Ana jarartu. Hamidun hajja. Hamid a fait le hajj. Ana hajjajtu, comme tu l'as vu dans le texte. Hamidun radda. Ana radattu. Hamidun shakka. Shakka, c'est fondre ou déchirer peut-être aussi. Ana shakkaktu. Hamidun shamma. Donc là, c'est quoi? Ana shamimtu. On met une kasra sur le mime, dans celui-là. Parce que là-bas, c'est shamima. Hamidun sobba. Ana sobabtu. Les versets. Hamidun massa. Ana massistu. Comme shamma. On met une fatha, une kasra. Donc là, c'est facile. Et tu fais pareil avec tous les. Il prend la même règle avec te et tel fa'il. طيب خامسا تأمل المثال ثم ضع الأمر من الأفعال الآتية. Donc il dit médite sur les exemples et met l'impératif des verbes suivants. Donc là il va t'apprendre à quoi? À faire le amr de ces verbes là. L'origine c'est anta tajurru, tu traînes. طيب. Et comment ça se prononce à la base? Tajurru, tajurru, c'est-à-dire le ra au milieu. Tu prends le sukun. Donc pour faire le homme, comment tu fais? Tu dis jour. Cependant, là, on a quoi? On se trouve avec deux ra, avec une sukun. Dis quoi ça qui name? Ça va faire quoi? Jour. C'est pas prononçable. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour le dire quoi ça qui name, on met une fatha. Donc on dit jour. À la base, c'est jour. Mais ça se dit pas. Moi, j'avoue toujours que. Assistant. Donc on dit quoi? Jurra. On met le fatha. Ce fatha là n'est pas d'origine. On a juste mis quoi pour tikkasa kinaim. Tayeb. Tamurru. Comment tu dis le homme? Mur. Aïwa. Murra. Taruddu. L'homme. Urudda. Nam. Tahudju. Hudja. Nam. Tazunnu. Dhunna. Tasubbu. Subba. Tauddu. Udda. Tachammu, non. Chamma. Tamassu. Massa. Ça dit ça. Ikrama yali. Maintenant, il donne des exemples du Amr avec des phrases. Mufida. Tu vas te donner. Jurra hada al kutub. Hein? Là. Regarde bien. Il n'y a pas écrit ça. Ah non. Jurra hada al maktab. Non. Il y a très. Laisse retirer plutôt. Tire le bureau. نعم تير سو بيو صب القهوة لضيوف يعني فيرسي دو كافي بور لي ضيوف بور لي زانفيتي نعم عد هذه الكتب كون سي ليفر نعم نعم كون سي ليفر شم هذه الزهرة يعني سون سيت فلور. Il me faut de l'eau. Pas de l'eau. Là, il va t'apprendre quoi? Le jasmin. Comment rendre ce fil majzoum? Donc il dit Sabian, ta'amel mayali, médite ce qui suit. Yahudjo, ça c'est l'origine, il est marfoua. Taïeb, avec une damma. Tu veux dire lam yahudj. Taïeb, quand tu rentres lam, lam yahudj. L'origine c'est quoi? Lam yahudj. Taïeb, avec deux djim, tous les deux avec le soukoun. Et cela n'est pas faisable, comme on a dit, quand ça kinaïn. Donc on fait quoi? On fait comme l'homme. On refait l'idrom, on met une fatha. Tu dis lam yahudja. Et cette fatha, des fois, juste pour empêcher le tikwa sakinaïn. Pareil, tajurro. Tu tires ou tu traînes. Avec le lainahia, pour interdire, qui est aussi un hafajazm, tu dis la tajur. Taïeb, la tajur. Et l'origine, c'est la tajur. Avec deux ra. Et tous les deux qui le soukoun. Donc comme c'est pas faisable, on refait l'idrom, on remet les deux ra ensemble et on met une fatha. La tajurra. Taïeb, la tajurra. Ne tire pas ou ne traîne pas. Donc il dit maintenant, Adib an asilatil atiya bin nafi mustamilan lem. Donc réponds à la question suivante, taïeb, avec une négation, en utilisant lem. Masalan, il dit, e hajashta, as-tu accompli le hajj? Donc il dit, la lem ahudja. Non, je n'ai pas fait le hajj. Taïeb, Fanyan, Faddal. Israël, moi je vais. Taïeb, e adati hadil kutub ya. Binti, as-tu compté ces livres, ô ma fille? La, lam ahudda. Non. Tu peux me dire lam ahuddaha. Damien, pour le revenir en kutub. Thalithan. E, sababata zamilaka hadha ya Ali. As-tu insulté ton camarade, ô Ali? La, lam asubba zamili. Non. Rabi'an. Amarra al-mudiru wa al-fusul, est-ce que le directeur est passé dans les classes? La, lam yamurra al-mudiru ala al-fusul. Tayyib. Khamisan. Non. Ouais, pas de faire, on sait pas si c'est un mouanas ou d'accord. On va dire ta. Ça peut être ti aussi, parce qu'il ne précise pas. As-sababta al-ma'a al-ladhi kana fil koub, as-tu versé l'eau qui était dans le verre? La, lam asubba. Taïeb. Thalithan. Ashamimta raihatan karihatan indama fatahta bab al-hammam. Donc, as-tu senti une mauvaise odeur lorsque tu as ouvert la porte du hammam? Indama? Indama, ça se traduit par lorsque. Quand? Parce que souvent, au début, quand les gens ne savent pas, ils disent quoi? Ils disent mata. Par exemple, ils vont dire quoi? Ashamimta raihatan karihatan mata fatahta bab al-hammam. Donc, il faut savoir, en arabe, quand on veut dire un quand qui n'est pas une question, lorsque ou au moment, on va utiliser indama. Il y en a d'autres encore. Hinama ou beinama, ainsi de suite. Taïeb, faddal. La, lam ashammaha. Lam ashammaha. Taïeb. Tasiran. Atril, la nahia al alfir al-lazi amam kul jumlatin ou akmil bihi al-jumla. Donc tu rentres la nahia, ce qui est hafajazm, dans les verbes qui sont devant chaque phrase, et tu complètes la phrase avec ce verbe. Tfaddal, jumal oula. La tasubba li mazidan. La tasubba li mazidan min al-qahwa. Ne me verse pas encore du café. Non. La tadunna anna l'imtihana sayakuna sahla. Il ne pense pas que l'épreuve sera facile. Non. La tasubba akhaak al-muslim. Il ne suit pas ton frère le musulman. La ta'udda hadi riyala. Il ne compte pas ses riyals. La tamurra bayna yadayya al-musalli. Il ne passe pas entre. Ne passe devant. Pas devant le musalli. Non, bayna yadayya. C'est une expression. Hein. Ouais, c'est une expression qui veut dire devant en fait. Amam. Tu voyez, benade, ça ne veut pas dire entre les mains. Ça veut dire devant. Ça, Adisan ? C'est figuré ça. La tajurra saburata min makaniha. Tani ne tire pas le tableau de sa place. Ne l'enlève pas de sa place, c'est ça. Tu voyez. Maintenant, il te dit quoi ? Ashiran. Isnadu adda il al dama'ir. Donc, il va te montrer ici comment on attache les dama'ir. Au fil adda, qui est aussi mudaaf, c'est la même règle pour tous. Donc c'est la même règle. Au mardi. Donc tu dis quoi? Hamidun adda. Ay huwa. El awled addu. Là on a rien, on a juste mis le mot jama'a. Aminatu addat. Donc là il n'y a rien pareil, on a mis ta'anif. El benatu adadna. Donc là on a fait l'hydrome. On a fait le sec, on a séparé l'hydrome. C'est-à-dire on a défait l'hydrome, on a séparé entre les deux d'elles. L'un avec une fatra et l'autre avec une soukoun, et on a mis une histoire après. Anta adadata. Comme on l'a pris avec tout au début, hajajtu, tayeb, zanantu, marrotu, c'est pareil. Antum aradatum. Anti aradti. Antunna aradtunna. Ana aradtu. Nahnu adadna. Donc tu vois, dès que tu attaches un damir, hormis waw jama'a, tayeb, hormis waw jama'a, qu'est-ce que tu fais? Tu fais fak et les drops, c'est-à-dire tu sépares. Tu défais l'assemblage qui a été fait entre les deux lettres. Tu les sépares. Maintenant, il te dit quoi? Hadi Asha. Isnadu ya'uddu ila dama'ir. Donc maintenant, c'est le mudawali. C'est le mudawali. Comment on met le dama'ir en mudawali? Et là, il y a apparemment un yam particulier. À part peut-être une histoire, sinon les autres, il y a un particulier. Juste, tu rajoutes un dama'ir. Hamidun ya'uddu. Ay huwa. El awladu ya'udduna. Donc là, il n'y a rien. On a juste rajouté le waou. Waou jama'a. Aminatu ta'uddu. Al-banatu ya'uddu. Tayeb. Ya'uddu afwan. Donc là on a fait quoi? Il est revenu à la waz yaf'ulna. On a défait l'hydrome. Anta ta'uddu. Antum ta'udduna. Anti ta'uddina. Antunna ta'udduna. Ana a'uddu. Nahnu na'uddu. Donc le seul moment où on sépare entre les deux lettres, c'est avec le nun et l'histoire. C'est tout. Tayeb. Thani achar. Isna de fiel al-amr min adda il est damayer. Donc maintenant, comment on fait? On met le damayer quand c'est au amr, à l'impératif. Donc là, c'est pareil, ils restent tous normaux, à part avec le nun et l'histoire. Udda ya hamidu. Compte au hamid. Donc là, il n'y a rien. Uddu ya awledu. Comptez au enfant. Donc là, on a juste mis au jama'a. Ruddi ya amina. Compte au amina. Là, on a juste rajouté le mukhataba. Et c'est là que maintenant, on va faire un fakelidrom. On va désassembler l'assemblage. On va désassembler la quand on assemble entre les deux d'elles. Tu dis urdudena ya benet. Vous voyez, urdudena ya benet. Parce que le nun l'histoire et le taferim, tous les deux, ont besoin quoi? Ils ont besoin d'une lettre saakine devant eux. Donc, tu es obligé de défaire entre les deux lettres. Voyez. Thalif Hachar. Ta'amel istirmel kalimatein kot wa abada. C'est quoi la différence entre kot et abada? Le sens c'est le même. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Kot c'est pour la négation. C'est pour dire. Tu parles du sens? Là. Quand est-ce qu'on l'utilise? Les deux ont le même sens. À la base. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Minhisul istirmel. Non, quant à l'emploi. C'est que pour Madi, là, l'autre. Pour la négation de Madi. Allez, ouais, quoi, c'est pour faire une négation. Tu nies totalement une chose au passé. Et Abaden, c'est Mustakbel, c'est le futur. Vous voyez, sinon, les deux ont le même sens. Quand, lors d'une négation, ils veulent dire jamais. Il dit par exemple, Ma fa'altu hadha kot. Je n'ai jamais fait ça. Vous voyez, kot tu. Et là, c'est un zorf zemen. Vous voyez, là, c'est un zorf zemen. Falisan. Lam akul ta'aman lazizan misle hadha kot. Je n'ai jamais mangé un plat aussi bon que celui-ci. Salifan. Lima atruk lam afan atruki salata kot. Walan atrukaha abada. Il dit je n'ai jamais délaissé la salate et je ne la laisserai jamais. Il faut dire Inch'Allah. Rabi'an. Lam asma kalaman misle hadha kot. Je n'ai jamais entendu une telle parole. Khamisan. Kefa taqul innaka ra'aytani fil Hind ana ma dhabtu lil Hind qat. Il dit comment dis-tu que tu m'as vu en Inde alors que je n'ai jamais été en Inde? Donc il dit qattu khassun bil madi. Qat c'est spécifique au passé. Wa abada khassun bil mustaqbal. Abada c'est propre au futur. Rabi Ashar. Ta'amil ma yali. Layyinun. C'est-à-dire quoi, le yin? Dou. Dou, naam. Donc son ism tafdil, le yin, c'est alien. Taïeb, alien. Tu dis, هذا الحرير لين. Cette soie est douce. وذلك alien من هذا. وذلك alien من هذا. Et celle-ci est plus douce que celle-là. Ou plutôt celui-ci est plus doux que celui-là. Mais en français, on va dire celle-ci parce que la soie elle est en féminin chez nous. Et en arabe, elle est masculine. Toyyebun. Ça veut dire bon, quelque chose de bon. Toyyeb, toyyeb, quelque chose de bon. Soyisme tovdil, atyeb. Toyyeb, atyeb. Tu dis, hada ta'amun toyyeb. C'est un bon plat, une bonne nourriture. Wazalika atyebu. Et celui-là est meilleur. Toyyeb. On dira meilleur, traduira par cela. À la wazna fa'il. Il reste à la wazna fa'il. Toi, il y a le kalimat et jadida. Marra, jam marrat. Ça veut dire fois. Par exemple, tu dis marra wahida une fois. Marratan deux fois, ainsi de suite. Kef, jam akufun. Kef, à la base, c'est une main. Mais plus précisément, la paume. Vous voyez ? Plus précisément la pomme. Mazid, c'est un surplus, encore, durable même. Un ajout. Rafil, inattentif. Dafa et Farou, ça c'est un verbe qui veut dire pousser. Pousser. Il peut avoir d'autres sens. Adibadju, c'est un ourmine al harir. C'est une étoffe, c'est une sorte de soie, une forme de soie. Vous voyez ? C'est un or de soie. Ra'ihatun, c'est une odeur. Karih, détestable, mauvaise. Layyin, doux. Marida, yamradu, c'est tomber malade. Tu dis malade tout, c'est je suis tombé malade. Nosratun, jam, nosakh. Nosra, c'est. Ça dépend ce que tu vas employer. Là, ils veulent dire quoi, Nosrat Kitab, c'est une édition d'un livre. Un exemplaire. Mais par exemple, si tu dis Nosra al-Miftar, c'est une copie d'une clé. Vous voyez ? Huneiha, ça c'est un petit instant, un petit moment. Balu'a, égout, évacuation. Ainsi de suite. Toyyibun, bon. Vous voyez, Toyyibun, Rajulun Toyyibun, c'est une bonne personne, c'est un bon homme. Hazina, yahzanu, ça c'est être triste. Kafikul ta'ala, la tahzen, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Donc là, il te fait quoi à la fin? Le khurasa, des verbes sous la si à trois lettres, et leur catégorie, et comment ils apparaissent. Et tout cela, Inch'Allah, ils sont passés avec nous dans le livre. Certains ont eu plus de tofsil, plus de développés, et d'autres ont été passés comme ça rapidement parce qu'ils ont un particulier. Donc, par exemple, le salim, c'est là, c'est le verbe normal. Ala wasfa'ala, comme zahaba, jalasa. Comme exemple, il te dit quoi au mardi, kataba. Al-Mudali al-Marfou, yaktubu. Al-Mudali al-Mansoub, lan yaktuba, avec une fatha. Al-Mudali al-Majoum, lam yaktub, avec une soukoun. Wal-Am, uktub. Donc, ça, c'est Salim. Celui dont il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de hafa'illah, il n'y a pas de hamza. Et il n'y a pas de idrom. Il n'y a rien. Souma, al-Mahmouz. Al-Mahmouz, c'est-à-dire, c'est le verbe dont l'une de ses lettres est à hamza. Ou au début, ou le fait. Non, le fait, j'ai. Pas de verbe en tête pour moi, le fait. Ou le haïd ou le lem. Mais c'est l'aim, bah si tiens le fait, akala. Voilà. Akala. Celui-là, son fait, c'est un hamza. Qui veut dire manger. Moudalir marfour, yakoulou. Moudalir mansoub, lem yakoula. El moudalir majoum, lem yakoul. Ou el am, koul. A la wazn, foul. Ou plutôt, oul. A la wazn, oul. Naam. Ensuite, le mahmouz, celui dont le. Aïn, c'est un hamza, la lettre du milieu. Comme sa'ala, qui veut dire interroger ou demander. Yas'alu, ça c'est le marfour. Lan yas'ala, ça c'est le mansoum. Lam tas'el, ça c'est le majzoum. Is'el, c'est le homme. Et tu peux dire sel aussi. Tu peux dire sel, genre le signe directement et le lem. Ensuite, celui dont le lem, c'est un hamza. Comme kora'a, qui veut dire lire. Yakra'u, c'est le marfour. Lan yakra'a, c'est le mansoum. Lam yakra, c'est le majzoum. Ikra, c'est l'amr. Ensuite, le mudaraf. Mudaraf, c'est celui dont le aïn et le lem sont une lettre de même origine. Adda, compter. Yaoddu, c'est le marfou. Lam yaoudda, c'est le mansoub. Lam yaoudda, c'est le majoum. Udda, c'est l'am. Shamma, sentir. Yashammu, ça c'est le marfou. Len yashamma, ça c'est le mansoub. Len, ou lem, mafouen. Yashamma, c'est le majoum. Shamma, c'est l'am. Et comme tu vois, Shamma, le Amr et le Mandi, ils sont pareils tous les deux, en apparence. Mais dans le sens de la phrase, tu arrives à distinguer, tu vois. Summa Jadda, qui veut dire faire bien les choses. Tu vois, être sérieux. El Moudali Amarfour, Yadjiddu. El Mansoub, Len Yadjidda. El Majzoum, Lem Yadjidda. Ou El Amr, Jidda. Ensuite, Fir Mithel. El Mithel, c'est lui dont le fait, c'est un Hafir Illah. Ou un Waou. Ou ça peut être un ya. La salène waqafa, qui veut dire se lever ou s'arrêter. Moudalia marfour, yaqifu. El moudalia mansoub, lan yaqifa. El moudalia majoum, lam yaqif. Ou el am, qif. Ensuite, le mortel el aïn, el ajwaf, celui dont le aïn, c'est un haf illa. Ou un waou, ou un ya, ou un lif. Le premier, qala, dire yaqulu. Ça c'est marfour. Lam yakula, ça c'est le mansoub. Lam yakul, ça c'est le majoum. Kul, ça c'est le am. Ba'a, qui veut dire vendre. Yabi'u, ça c'est le marfou. Lam yabi'a, ça c'est le mansoub. Lam yabi'a, ça c'est le majoum. Bi'a, ça c'est le am. Nama, qui veut dire dormir. Yanamu, ça c'est le marfou. Lam yanama, ça c'est le mansoub. Lam yanam, ça c'est le majoum. Nam, le am. Ensuite, le mortel akhir, celui dont le lem, c'est un harf illa. On l'appelle aussi le naqis. C'est un verbe qu'on appelle le naqis. Masha, qui veut dire avancer. Moudalia marfour, tu dis yamshi. Et la dhamma ici, elle est muqaddara. Tu la vois pas. Lam yamshiya, ça c'est le mansoub. Par contre, la fatha, elle apparaît. Lam yamshi, on enlève le harf illa. Et l'am imshi. Nasiya, qui veut dire oublier. Yamsa, la Dhamma, Dhamma al-Fu al-Muqaddara. Lan Yamsa, là aussi pareil, la Fatha al-Muqaddara. Lam Yamsa, le Alif a été enlevé. Insa, ça c'est l'Am. Naha, interdire. La Moudalia al-Fu, Yenha. La Dhamma al-Muqaddara. Lan Yenha, ça c'est le Mansoub, la Fatha al-Muqaddara. Eux ils l'ont mis, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. Normalement, l'Alif, il est toujours avec une seconde. Lam Yenha. Là, on enlève l'alif, là, il est majoum. C'est inha, ils ont mis anha. Hein? Inha, ah non, l'autre fatha, c'est du verbe qui est au-dessus. Inha, ça c'est le homme. Et celui qui finit par un waou, da'a, qui veut dire invoquer, ou appeler, ou inviter, et ainsi de suite. Yad'ou, ça c'est le mudari'a marfou'a. Et le dhamma, le muqaddara, tu la vois pas. Lan yad'oua. Là, c'est Mansoub, la fatha apparaît. Lam, yad'ou, là, le waou était enlevé, majzoum. Oud'ou, ça c'est l'am. Et dans le naqis, on a dit que c'était deux catégories. Le lafif et le makroun, celui dont le aïn et le lem sont hafil illa. Et le lafif et le mafrouk, celui dont le fa et le lem sont hafil illa. Donc le premier, comme kawa, repassé, yakoui, ça c'est le marfoua, la doma le muqaddara. Lam yakouya, le Mansoub, la fatha apparaît. Lam yakoui, majzoum, on enlevait le ya. Et l'âme, ikoui. On enlevait le dia pareil. Ensuite, le deuxième, lafif et le mafrouk. Comme waqa, qui veut dire protéger. Yaqi, ça c'est le mudali' marfour. La dhamma et le muqaddara. Lan yaqiya, là c'est le mansoub, la fatha apparaît. Lam yaqi, majzoum, on enlevait le dia. Qi, celui-là c'est le âme, et celui-là, on enlevait le fait, on enlevait le rien. On enlève le fer, on enlève le lem plutôt. Voilà. Inch'Allah, ces koutoubs-là, ces règles-là vont mieux rentrer dans un livre qui a plus de détaillés. Parce que là, il expose des verbes dont il n'a pas parlé dans le livre, en fait. Comme le lafif et le mafrouk, il n'y en a pas dans le livre. Pour comprendre comment l'homme est arrivé comme ça, et ainsi de suite. Vous voyez. Et là, voilà. الحمد لله رب العالمين